pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. Elle est revenue de la Coupe du monde de patinage de vitesse. On a analysé pas mal avec François-Olivier Roberge les deux compétitions. Quoi qu'il en soit, Marianne Saint-Gelais est revenue avec, et ça a bien été pour la première fois. On lui parle. Salut Marianne! Salut! Marianne, pourquoi on a fait le 500 mètres? J'imagine que c'est une année olympique, puis c'est pour ça qu'on sert. Donc la préparation, quand on dit qu'elle est différente, elle est différente, puis c'est là, on la voit là, hein, c'est ça? Pourquoi on a décidé de faire un 500 mètres seulement la première fin de semaine, c'est que j'ai un début de saison un peu différent, étant donné la commotion et tout ça. Donc, on voulait vraiment y aller progressivement, étape par étape. Pas que j'ai des syndromes de commotion, mais dû à la commotion, j'ai raté les sélections olympiques. Puis l'entraînement, ça a été vraiment plus difficile dans les derniers mois. Donc, on voulait être certain de repartir sur une bonne note et pas d'en faire trop. Puis étirer ça jusqu'au jeu, tu sais. Okay. C'est pour ça qu'on est allé plus tranquillement. Puis, tu sais, déjà la fin de semaine d'après, je suis retournée à mes deux distances habituelles. Fait que, c'était essentiellement pour être certain de ne pas sauter trop d'étapes rapidement. OK. Mais la première fin de semaine, c'était-tu une glace qui te facilitait, mais qui te causait des ennuis pour. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Honnêtement, on est rendu quand même assez bon et bonne là, pour s'adapter à peu importe la qualité de glace qu'il va avoir. Comme on ne sait jamais comment la glace olympique va être, ou peu importe la glace du championnat du monde, on n'a pas le choix de se faire une espèce de carapace puis d'aller avec ce qu'il va avoir dans le fond. Mais non, moi, j'ai quand même connu un bon 500 mètres, des bons relais aussi, puisque j'ai fait partie des quatre relais, des quatre courses qu'on a fait au relais. Okay. J'ai pris de mauvaises décisions en finale A. Je suis partie en avant. Puis à deux tours et demi à faire, j'ai pas bien serré ma sortie de virage. Ce qui a fait que l'Italienne a pris l'opportunité. Et moi, j'ai plus décidé de fighter au lieu de laisser aller et de retenter un dépassement. Ça m'a coûté excessivement cher. J'ai passé de la première place à la quatrième place. Un 500 mètres, ça arrive très vite. Donc c'est très difficile de recéter quelque chose, mais ça l'affecte en aucun cas ma condition physique et comment je me sentais sur la glace. Fait que le côté résultat, c'est un peu décevant, mais en même temps, ça m'a permis de rajuster le tir pour la fin de semaine suivante. Donc, ça a bien été. Ça a vraiment bien été, là. Ça a vraiment, vraiment, vraiment bien été cette fin de semaine-là. Hey, l'équipe en relais, troisième position, faut-tu s'attendre à ça ou c'est vraiment, vous êtes content ou vous auriez espéré plus? Honnêtement, la finale qu'on a fait en Hollande, honnêtement, the final, là, pour nous, on est capoté, là. On était première avec un tour à faire, là. Il nous reste des choses à peaufiner. Ce qu'on a travaillé en entraînement dans les dernières semaines, dans les derniers mois, ça prouve qu'on est vraiment sur la bonne piste. Moi, je crois alors, j'y ai toujours cru, mais avec ce qu'on a livré comme performance en fin de semaine passée, j'y crois de plus en plus. Okay. J'espère que les membres de mon équipe sont sur la même longueur d'onde que moi parce que c'est vraiment possible. On a vraiment bien tiré notre épingle du jeu, on a bien joué. Maintenant, on est capable de bien jouer avec l'adversaire. Les courses sont rapides, mais on est sharp. Fait que, non, oui, c'est une troisième place, mais pour nous, c'est une médaille d'or. OK. Donc là, ta prochaine compétition, là, on va augmenter encore le niveau. J'imagine qu'on va te voir dans toutes les compétitions? Je ne sais pas encore. C'est une décision vraiment qui se prend dernière minute. Okay. Sûrement que je vais toucher un peu un 1500 mètres d'ici aux Olympiques, c'est certain. Okay. Est-ce que je vais aller dans les trois distances? Moi, ça me dérangerait pas. Ce serait un peu le même format qu'en championnat du monde. Donc, c'est quelque chose à quoi je suis habituée de faire, bien sûr. Mais Vraiment, pour l'instant, c'est vraiment pas une décision qui a été prise. Ça va se faire vraiment quand on va arriver sur les lieux à la Coupe du Monde. OK. Qui prend la décision? Est-ce que c'est toi en collaboration avec l'entraîneur? C'est qui a le dernier mot dans un cas comme ça, là? Ben, clairement qu'on a le dernier mot dans le sens que si mais c'est vraiment Fred qui prend la décision, lui selon ce qu'il pense, selon ce qu'on a à travailler, selon nos objectifs et tout ça. Fait que c'est lui qui fait une suggestion. Souvent la suggestion est très réaliste, puis c'est très très rare qu'on va aller dans un autre sens que ce qu'il suggère. Mais tu sais, des fois des je sais pas, il peut avoir des situations particulières où ça pourrait tourner différemment. Mais ouais, c'est pas mal. On reste qu'on a le dernier mot, mais souvent c'est très très rare qu'on va aller contre les décisions de l'entraîneur. OK. Marianne, c'est quand là, la prochaine Coupe du Monde qu'on va te suivre, c'est quand? On quitte le 2 novembre. Ouais. Donc, ça va être les deux premières fins de semaine. Ben, les deux premières fins de semaine. Les deux fins de semaine qui vont suivre de novembre. Là. Fait que je pense que c'est comme le 8, 9, 10, puis 17, 19, là, quelque chose comme ça. OK, OK. Donc, évidemment, puis ça, c'est pour s'habituer au décalage horaire et ainsi de suite, là. Ouais, on s'envole pour l'Asie, donc on va se donner quasiment une semaine avant le début des compétitions pour être certain que le décalage horaire est bien, bien assimilé, là. OK. Ben, Marianne, félicitations, et on se reparle après la prochaine Coupe du Monde. Super, merci, Dani. Marianne Saint-Gelais, notre athlète de Saint-Philippe.